frustration. On a tous une vieille fille, la tronche pleine de boutons. Bien sûr qu'elles sont jeunes filles, avec un super chouette de calfouette délavé. Et qu'elle n'enlève jamais, balèze, odeur de mouette. J'y mettrai pas mon nez, de peur de la super colle. Surtout les batifioles, j'suis quand même pas gâté. Les assurances tout risque ont toutes des limites. Et là t'as un malus que le fait d'y penser. En plus elle est à voile et à vapeur. Et ça lui fait pas peur, pour ça elle est blindée. Et pour sa destinée, c'était déjà tracé. Vous avez deviné quel ministère elle est. Quand t'emmènes un dossier, elle te fait triste mine. Pas le temps de respirer, t'es déjà inculpé de faux et fraude fiscale, parce que tu as reçu par mois 150 balles d'alloc familiale. Mademoiselle, s'il vous plaît, essayez de vous faire faire par insémination un bébé du tonnerre. Pour vous récompenser, l'alloc vous donnera 150 balles par mois, vous en serez très fiers. Quand il aura 20 ans, vous vous apercevrez qu'il n'aura pas de métier et qu'il revient très cher. Mais vous avez des droits, vous le saviez déjà, et vous êtes bien placé pour faire vos dossiers. Dans l'administration, on a tous une vieille fille qui croit que nos enfants ne nous coûtent pas une bille. Mais elle donne largement 150 balles par mois qu'elle reprendra plus tard, et ça, n'en doutez pas.